الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا. Donc comme je vous l'ai dit hier, pour ceux qui ont assisté au ders, nous allons rentrer dans un nouveau fasl aujourd'hui. Un nouveau chapitre qui est le 9e de ce livre, donc l'avant-dernier, et qui est un chapitre qui est extrêmement, extrêmement important, extrêmement mal compris, et avec lequel beaucoup de muslimounes, malheureusement, jouent. Et ce chapitre est d'autant plus profitable et primordial à assimiler pour les gens qui sont en France, ou dans d'autres pays, parmi les pays de Kofor. C'est très important. Et هو تاسع التحذير من التشبه بالكفار. La mise en garde contre le fait de ressembler aux kuffar. C'est un point qui est très important, car à force de rester au milieu de, dans un certain environnement, on finit par s'en imprégner malgré soi. C'est inévitable. Comme on dit, man jalas janas. On pourrait traduire que celui que tu fréquentes impactera sur toi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà donné l'exemple de la bonne fréquentation de la mauvaise. Et cela rentre dedans le lieu où tu résides. Que le lieu où tu résides aura un impact sur tes mœurs, sur ta compréhension, sur tes, sur tout même, ton langage, ton accoutrement, tes habitudes et ce qui s'ensuit. Et vous savez que la bonne fréquentation, c'est comme le marchand de parfums. Car en restant près de lui, soit il t'offre du parfum, soit tu en achètes, ou au minimum, tu trouveras une bonne odeur. Et la mauvaise fréquentation, c'est comme celui, le souffleur de verre ou le forgeron, en restant avec lui, soit il te brûlera tes vêtements, ou soit au minimum, tu en tireras de lui une mauvaise odeur. Quelle odeur pensez-vous que dont on s'imprègne en étant dans un pays comme la France ? Ça veut dire même que tu ne le souhaites pas. Même tu ne le souhaites pas. Tu en auras des répercussions. Et ta famille également en aura des répercussions. Et plus tu auras la garde baissée, et plus ces répercussions seront néfastes. Bien évidemment. Après, l'une des solutions, comme encore le Ta'ala, « Wasbir nef saka » Et ça veut dire maintiens-toi avec ceux qui implorent leur Seigneur et qui veulent sa face matin et soir. Ça veut dire quitte à rester dans des pays comme celui-ci malgré toi, alors au moins fréquente les musulmans. Et qui plus est, fréquente les musulmans de l'Istiqama. C'est un peu comme ta bouée dans ton naufrage. C'est un peu comme ta bouée pour te préserver de ne pas couler. Car le naufrage, il est inévitable. Mais maintenant, qui dit naufrage ne dit pas forcément noyade. Il peut y avoir des canaux de sauvetage, des chaloupes, il peut y avoir des bouées, il peut y avoir des bouts de bois sur lesquels on s'accroche. Jusqu'à ce que vienne un paquebot qui va te sortir de l'eau où tu es pour t'emmener vers la terre ferme. C'est-à-dire ton issue de secours. Donc au minimum, pour minimiser les dégâts, tu es dans un pays comme la France, alors fréquente les musulmans. Et évite les lieux de mal, évite les sorties inutiles. Et concentre-toi en étant plus investi dans l'adoration, dans ce que tu peux comme apprentissage. Car c'est ça qui va te permettre de pouvoir tenir au mieux. La ibad, et l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui fait de l'ibad en période de kharaj, et c'est l'équivalent, c'est le sens de... Il a dit l'ibad fi l'kharaj ka hijratin ilayya. Que celui qui fait l'adoration en temps de fitan, en temps de trouble, là c'était surtout en temps de meurtre, en temps de tuerie, c'est comme s'il avait fait la hijra vers moi. Donc il faut se maintenir. Car en restant dans de tels pays, il est inévitable que cela impacte sur nous, sur nos enfants. et sur nos petits-enfants et ainsi de suite, tant qu'ils resteront ici. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il avait dit, une faïda qu'il avait dit à un homme en Angleterre, qu'il avait vu habillé d'une façon qu'il avait surpris. Il était habillé avec sa barbe, mais il avait comme une espèce de veste, il avait dit un jacket, c'est une veste qui à la base se porte en Occident. Et qui n'était pas trop, on va dire, assorti avec la tenue de la sunna qu'il portait. Je sais pas c'était quelle veste, il avait dit jacket. Jacket à la base c'est un blouson d'anglais. C'est comme ça qu'ils disent les Arabes. Des fois ils donnent des termes en anglais pour des choses. Donc, par exemple, au Yémen ils disent coat pour dire la veste de costard qu'ils portent là-bas au Yémen. Ils disent coat parce qu'à la base ça vient du coat. Le coat c'est une veste en anglais également. Al-Muhim, il lui disait que regarde, sur ta tenue, cela joue, sur tes goûts. Il a dit, et si quand bien même toi, tu échappes à l'emprise des koufars sur toi, tes enfants n'y échapperont pas, et de génération en génération, vous allez finir par vous fondre dans la masse. Et tu vas trouver des gens qui auront, par exemple, un nom muslim, nom de famille, mais le prénom sera un prénom de kafir. Au fur et à mesure. C'est pour ça que lui, Cheikh Al-Albani, il était d'avis que la hijra, elle est obligatoire d'un pays de kufr, même si tu peux faire ta religion. C'est son avis à lui. Il a dit car si toi et ton père, ils vont avoir ta descendance au fur et à mesure. Ils vont t'avoir à la longue, à l'usure, comme on dit. Et son avis, il est sabibaride. Il n'est pas... C'est pas exagéré ce qu'il dit. Qu'au final, ils finiront par nous avoir à l'usure. C'est inévitable. Donc, cela aura un impact sur nous. Évidemment. Donc cet impact, il faut l'amortir autant que possible. Donc ce bébé là qu'on va prendre, c'est que des fois on fait du tachabou le bekoufal, on ne s'en rend même pas compte. On croit que c'est normal. Ou des fois on trouve des kawa'id ilmiya, ou des fatwas de ulama, soit elles sont erronées, ou soit elles sont mal comprises, ou soit elles sont interprétées à notre avantage, pour que cela puisse nous servir nos intérêts. Et ça c'est malhonnête de notre part, d'agir de la sorte. Mais on fait beaucoup cela ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de frères, des fois, font des choses, ils ont des avis. Oui, mais j'ai entendu un tel shir dire telle chose, il y a telle corrida. Alors que la corrida, elle est hors contexte. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je vous ai mis la fatwa de shir Abdelhamid par rapport à ceux qui disent qu'on peut s'habiller comme les koufars parce qu'on est dans leur pays, parce que le Nabi Youssef sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme les Arabes à leur époque. D'accord ? Et la réponse, elle est sur l'audio, sur la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu. Que malgré tout, le vêtement des Arabes, à la base, il était légiféré, ce qu'ils portaient. Sauf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est en plus différencié d'eux en mettant le vêtement au-dessus des chevilles. Eux, ils ne le faisaient pas. Mais ils portaient le kamis, certes, mais le kamis, c'est un vêtement qui était ample. Et puis, c'est un vêtement qui est porté depuis très longtemps. Ça veut dire même dans le Coran, vous savez, dans Surat Yusuf, ils portaient le kamis déjà. C'est pas un vêtement qui était nouveau. C'est un vêtement qui est ancestral. Contrairement à des vêtements qu'on porte aujourd'hui qui sont nouveaux. On ne peut pas comparer le kamis, par exemple, et un jean. Ou un survêtement, ce qui s'ensuit. Ça n'a rien à voir. Le kamis, c'est un vêtement qui est porté depuis des lustres et qui a été porté par les prophètes. Donc même avant les Arabes de Quraysh, les Bani Israël, ils en portaient, les prophètes, ils en portaient. C'est évident. Donc la comparaison à faire, elle n'est pas équitable. D'accord ? Elle n'est pas équitable. Et même, par exemple, ils vont dire, ça, Inch'Allah, ça va venir le même par rapport à la barbe pour les hommes. On en parlera pour pas trop s'étaler. Mais pour vous dire, attention aux compréhensions biaisées qu'on peut avoir avant qu'on se trouve, on va dire, une issue à notre problème, à notre embarras. J'appellerais ça un embarras. Alors que des fois, il suffit d'affronter, de patienter. Khair, Inch'Allah. Donc, pour l'intitulé de ce chapitre, il a mis comme verset « ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » Il a dit « Puis, nous t'avons mis sur la législation de notre décret, c'est-à-dire la charia. Alors, suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. » L'auteur, il dit « Ey, ثُمَّ شَرَعْنَا لَكَ شَرِيعَةً كَامِلَةً تَدْعُوا إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَتَنَهَا عَنْ كُلِّ شَرٍ Min amrina shari. Donc il a dit, nous t'avons légiféré des codes, des lois, qui appellent à tout le bien et qui interdisent tout mal. Ça veut dire que tout ce que l'islam interdit, c'est que c'est un mal. Qu'on s'en rende compte ou pas. Et tout ce à quoi l'islam appelle, c'est un bien. Qu'on s'en rende compte ou pas. C'est pour cela qu'il faut avoir confiance en la législation et confiance au décret d'Allah Azzawajal, ne pas commencer à vouloir parlementer, à parloter, oui, mais peut-être que ainsi de suite. Comme a dit les Sahaba, Qulu sami'na wa ta'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Nous avons entendu, nous avons obéi. C'est comme ça qu'on doit être à la base. Faqal fattabi'ha. Fa'inna fi ittiba'iha al-sa'ada al-abadiyya wa al-salih wa al-falah. Donc il a dit, suis-la, cette législation, il faut que tu la suives. D'accord ? Il faut que tu la suives. Car dans son suivi, tu auras le bonheur éternel, ainsi que la réforme et la réussite. Et le bonheur éternel implique un bien-être en ce bas monde, et le bonheur éternel qui est le Jannah après la mort. Mais le bonheur éternel, en ce bas monde, n'exclut pas les moments difficiles. Parce que les gens, ils ont une notion du bonheur qu'on leur inculquait à travers la télévision, à travers le dessin animé quand on était petit. Le bonheur, c'est pas ce qu'on vous a enseigné. C'est comme l'amour, la romance, ces choses-là. C'est pas ce qu'on vous a enseigné. Ça, c'est, tout ça, c'est romancé pour vous faire rêver. Voilà pourquoi la réalité, elle est si dure à admettre pour les gens. On les a formatés à une chose qui n'est pas réelle. Comme je le dis souvent, c'est comme si on t'avait toujours habitué à boire du jus depuis ton enfance en te disant que c'est ça, de l'eau. Le jour où tu as de l'eau, tu dis, mais ça a pas de goût. J'aime pas, je préfère le jus. Et ça, on fait ça de ton enfance, que petit, c'est là que tu t'habitues à ce genre de choses. Donc quelqu'un qui a habitué depuis petit à voir une chose qui a du goût, sucré, subtil, avec une belle petite couleur, et un jour on vient avec de l'eau, bah il dit j'aime pas l'eau. J'aime pas l'eau. Et quand il a soif, je veux du jus. Alors que l'eau est meilleure pour lui. Mais comme il a été déjà habitué à des choses qui ont été dénaturées, et eh bien lui-même, sa conception, elle est dénaturée. Et bon, aujourd'hui, on est pareil. Les gens, ils veulent être heureux, et ils le sont souvent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont heureux. Mais ils vont chercher autre chose. Jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'ils étaient vraiment heureux, mais c'est trop tard, ils ont perdu ce bonheur qu'ils avaient, ils ont échangé. Allez-vous changer ce qui est moins bien pour ce qui est meilleur. Comme il avait dit au Bani Israël, qui était lassé de manger tous les jours la même chose. Et pourtant, ce qu'il y avait de meilleur pour eux. Ils se sont plaints. Et pourtant, ils avaient ce qu'ils avaient de meilleur pour eux, une nourriture qui était facile, qui était bonne, mais ils ne s'en sont pas satisfaits, ils voulaient autre chose. Et ben nous, dans la vie, on est pareil. On a des choses, des fois, elles sont simples, mais elles sont correctes, elles nous suffisent. On veut autre chose encore. Jusqu'au jour où Allah Azawajal, concrètement, nous donne autre chose et l'on se rend compte de ce qu'on a perdu. Et on dit, en fait, on était bien. C'est trop tard, c'est perdu. Donc, il faut comprendre la notion du bonheur en religion. Quel est-il ? Dans plein de choses. La notion de la famille, la vie de famille, quelle est-elle ? La vie de couple, quelle est-elle ? La vie du travail, quelle est-elle ? Tout ça. Et ne pas se baser justement sur cette vision que les koufars nous ont inculquée depuis notre enfance. Pour nous faire rentrer dans leur profil. Nous, on doit se différencier d'eux. Et avec le Coran, on a une vision concrète et réelle de la vie. Du moins, on est censé. Mais pour cela, il faut apprendre. Il faut s'investir. Il faut faire des efforts. Il ne faut pas se laisser aller. Qal, wratatabia ahwal lazina la ya'lamoun. Et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Justement. Ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ey el lazina takun ahwiyatuhum ghal tabi'atin l'ilm wa la mashiya khalfa. Wa hum kulleman khalafa shari'at. Rasul sallallahu alayhi wa sallam hawahu. Parce que ne sois pas comme ces gens dont les passions ne suivent pas, ne sont pas basées sur le ilm, et ne sont même pas, on va dire, ni basées sur le ilm, ni ne suivent le ilm. Et ces gens-là, tu les vois aimer tout ce qui transgresse la sharia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là ne savent pas. Ne sois pas influencé par ces gens-là qu'on appelle justement influenceurs. Et vous savez, ces gens-là, quand ils éteignent leur téléphone, ils ont une sale vie. Souvent, les gens les voient sur des vidéos, sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est des filtres, donc ils sont même pas le physique qu'on vous montre, ce n'est même pas le leur. Et ainsi de suite. Et en plus, quand ils éteignent leur téléphone, sachez que c'est comme si ces gens-là, tu leur retires le jus, tu leur donnes un verre d'eau. Ils ne sont pas contents. Ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs. Sachez-le. Et des gens qui ont bien moins qu'eux, si vraiment ils avaient ce qu'ils prétendent avoir, sont bien plus heureux qu'eux. Il y a des gens qui ont une vie simple, modeste, tranquille. Et ils ont un cœur empli de richesse. Et même chez les koufars, vous avez trouvé des gens qui ont une vie bien plus simple et bien plus agréable que celle qu'on veut vous mettre en avant. Même chez les koufars. Dans leur petite province, dans leur coin tranquille, entre eux, voilà, sans courir derrière la dounia. Ils ont un peu d'ascétisme, un peu d'éloignement de la dounia. Ils aiment le calme, ils aiment la simplicité. Et hamdoulillah. Après, on ne vous dit pas qu'ils sont bien parce que ça reste des koufars, mais dans leur monde de koufars, eux-mêmes ont compris que ce n'est pas dans ce tourbillon de soucis et de problèmes de la course à ce bas monde qu'ils vont trouver le bonheur, concrètement. Et là, ils l'ont compris, même chez les koufars. Et nous, on est plus en droit de le connaître. Et pourtant, vous voyez que cette communauté se rue. Al-Hakumut-Takathur Hatta Zurtumul Makabir. Ça veut dire la course aux richesses vous a fait perdre, vous a fait périr. Jusqu'à ce que vous allez rentrer dans les tombes, c'est-à-dire jusqu'à la mort. On se bat pour la dounia. On se bat pour la dounia. On se bat pour la dounia jusqu'à la mort. Malheureusement. Et ce mode de vie, de qui on l'a pris? On l'a pris des koufars. On l'a pas pris des salafs. Aujourd'hui, on le répète souvent. Moi, je suis salafi, je suis salafi. Taïeb, c'est bien. Tu aimes la finalité, mais tu n'aimes pas le début qui va avec. La salafia, c'est pas juste la barbe, le kamis, le jibet pour la femme, le niqab, les gants, et Cheikh Intel, il l'a dit, et, voilà, et les doulous. Non. C'est également une essence, une éducation, un mode de vie qui va avec. Après, on ne dit pas de se priver de la dunya quand on a les moyens. Non. Si Allah, Azzawajal, quand Fatah Alek, Allah, il aime voir les bienfaits de sa ni'ama sur son serviteur. Mais on te dit de ne pas aller te tuer pour l'obtenir. C'est ça qu'on te dit. Au détriment de ta religion. C'est tout ce qui est dit. Mais il y a des gens, Allah, Fatah Alim, Bilharina, Allah, il y a des gens, ils sont riches, même richissimes. Mais est-ce que ce sont des gens qui ont voulu ou qui sont battus pour cela forcément? Non. Non. Mais Allah leur a donné ça. Et il y en a d'autres, Allah, l'Akadar, qui seront pauvres. Et alors qui se battent pour avoir le bas monde, mais ils n'ont rien du tout. Malheureusement. Chacun accepte ce que Allah veut lui Akadar. Mais ce qu'on te dit, d'accord, c'est qu'il faut que tu aies, comme il a dit Nabi Sallam, Al-Rina, Rina Nefs. La richesse, c'est celle du cœur. Celui qui est riche dans son cœur. Même s'il y a peu dans sa main, il est heureux. Et celui qui est pauvre du cœur, même s'il a beaucoup dans sa main, il sera malheureux. C'est évident. Et notre religion nous appelle du début à sa fin, justement, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui était affaibli, mais le sens est correct, « Izhad fi dunya yuhibbuk Allah ». C'est-à-dire, soit assède dans ce bas monde, Allah va t'aimer. La vie, c'est comme vous savez, c'est un safar, c'est un voyage. Et les meilleurs voyages, c'est quand on voyage léger. Quand on est chargé de bagages, de sacs, de plein de choses, c'est fatigant. Celui qui voyage léger, il voyage tranquille. Et bien notre vie, c'est comme un passage. On doit passer léger. Mais pour être au final, ceux dont la balance sera lourde, sont ceux-là qui ont réussi. Pour que ensuite la balance, elle, soit lourde. Pour qu'elle soit lourde, il faut que tu sois léger dans ce bas monde. Ça va ensemble. Pour que ta balance soit lourde de Qiyamah, il faut que tu vives léger en ce bas monde. Et il n'y a rien à perdre. Croyez-moi, il n'y a rien à perdre. Moi, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les plus beaux jours de ma vie, c'était à Dammej. Je veux dire, en fait, ça a été plusieurs étapes. Concrètement, les plus beaux jours de ma vie, bon, c'était les jours de l'enfance, avec l'innocence, mais ça ne prend pas en compte, d'accord ? Ça a été en réalité, là où j'ai eu le cœur le plus léger, c'était mes premiers jours quand je me suis converti. J'étais comme, j'en découvrais le monde. J'étais sur un islam de base, innocent. Ça veut dire, je ne connaissais pas les sectes, je ne connaissais rien, mais pour moi, j'aimais tous les musulmans. En fait, j'avais la foi qu'on est censé avoir de base s'il n'y avait pas de secte. C'est-à-dire, on est tous des frères. D'accord ? Cette foi-là, cette compréhension, c'est peut-être proche de celle qu'avaient les sahaba. Je parle par rapport à la fitra, pas par rapport à elle, bien sûr. C'est-à-dire dans le fait que tu vois un muslim, tu l'aimes. C'est ton frère. Et il n'y a pas de suspicion. Parce que de base, il est comme toi. Comme toi, tu veux du bien pour toi, il veut du bien pour toi, et vous êtes sur le bien. D'accord ? C'est comme un enfant qui découvre... Un enfant, tu en général, tu lui mets les choses, il ne connaît pas le danger. Tu lui mets un serpent, il va jouer avec le serpent. Tu lui mets le feu, il va toucher le feu. Il connaît pas le danger encore. C'est après, avec l'expérience, il dit « Ah, ça, c'est pas bon pour moi. » Ah ben après, j'ai commencé à apprendre l'islam, qu'il y avait des gens qui voulaient pas forcément mon bien. Des gens qui n'appelaient pas forcément mon bien. Des gens qui avaient un islam qui était biaisé. Et après, avec le ilm, ça commence à, alhamdoulilah, s'éclaircir. Mais au début, je pense que vous êtes tous pareils. Ceux qui sont convertis, au début, quand ils ont fait la shahada, ils allaient à la mosquée, ils aimaient tout le monde, ils étaient trop heureux. Et ceux qui sont repentis pareil, qui étaient déjà des gens de l'islam, mais qui étaient sur une pratique qui était mauvaise, ou peut-être même qu'ils ne pratiquaient pas, le jour où ils ont fait Toba, ils se sont repentis, et ben ils étaient sur un esprit candide, naïf, innocent. Et à la base, on devrait être comme ça. Mais le monde dans lequel on vit fait qu'on doit avoir des remparts. On doit se protéger. Car beaucoup de gens, la plupart des gens, nous veulent du mal. La plupart des gens nous veulent du mal. Donc, c'était une parenthèse. Donc là, c'était, on va dire, mes plus beaux jours à ce moment-là. Mais réellement, avec une certaine clairvoyance et religieusement parlant, avec l'environnement, c'était à Demmaj. Je n'ai pas connu de jour plus profitable et plus heureux que cela, et plus simple. Et pourtant, on a vécu des moments extrêmement, extrêmement difficiles. Comme vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et même la guerre. Des morts devant nous. Et malgré cela, ça reste pour moi les plus beaux jours de ma vie, irremplaçables. Et j'espère qu'Allah me wafok pour que je remercie toute ma vie pour ce qu'il m'a accordé pendant ces 7 années que j'ai passées là-bas. Sans compter le reste au Yémen, mais je parle de Medj en particulier. Inoubliable. C'est comme, je dirais pas un tatouage, mais une cicatrice. Car un tatouage, c'est une chose qui est mauvaise, qui est faite volontairement qu'on paye. Une cicatrice, c'est une chose qui t'arrive malgré toi et qui te marque à vie. Une bonne cicatrice. Et une grosse, hein. Une grosse cicatrice. Je dirais même, ils appellent ça comment ? Une balafre, parce que sur le visage c'est voyant. Une grosse balafre. Donc on rappelle à nos frères, à nos sœurs, sachez une chose, les plus belles vies sont les plus simples. Ça c'est une règle qui est universelle, même chez les koufars. Et encore plus pour un musulman. Si tu veux profiter de la vie et la comprendre, simplifie-toi la vie, allège-toi la vie. D'accord ? On ne te dit pas de te priver, de te punir. Mais ne va pas t'efforcer, te fatiguer à obtenir ce qui ne t'apporte rien en réalité. Ni de concret. Donc je pense que cette mukaddima va suffire pour le même qui va suivre, car il est très important de ne pas ressembler aux koufars. On n'a rien à envier aux koufars. Allah t'a donné l'islam, t'a donné l'iman, t'a donné les moyens de pouvoir avoir aller au Jannah. Comment tu peux, toi, te rabaisser à ressembler à des gens qui sont voués à l'enfer? C'est complètement incohérent. C'est complètement irréfléchi. Ce n'est pas possible. Que Allah t'élève, tu ressembles à des gens qu'Allah l'a rabaissé. Comme quand l'État Allah, wala takunu kallazina nasawla fa'ansahum anfusahum, ulai kamul fasiqun. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car ils ont fini par s'oublier eux-mêmes. Ce sont ceux-là les pervers. Comment peux-tu envier ces gens-là? Si tu savais, si vraiment on avait le savoir de ce qui attend après la mort, on ne pourrait jamais envier ces gens-là. Jamais on pourrait les envier. Le jour, il va dire le jour où le kafir, le Mirkiyama, il va voir ce que ses mains ont accompli et il dira pauvre de moi que je n'ai été de la terre. Comme je vous l'ai dit, il ne va pas dire pauvre de moi que je n'ai été un croyant. Il va dire de la terre, j'aurais même pas voulu exister. Et nous, on veut ressembler à ces gens-là. En ce bas monde. On veut le ressembler. Alors que nous, on veut le Jannah. Et lui, il va te dire, je veux même pas exister. J'aurais voulu être de la terre. Est-ce qu'on arrive à concevoir cela, à réfléchir? Ma'alakum kefatar komoun. Qu'avez-vous? Comment est-ce que vous jugez? Et plus on va vivre en leur sein, et plus on cherchera à le ressembler malgré nous. Même malgré nous. On s'en rendra même pas compte. Le tashabul bikoufar, c'est parmi les causes de la faiblesse de cette Ummah en cette époque. C'est l'une des causes, car on a un complexe d'infériorité devant ces gens-là. On les croit meilleurs que nous, plus avancés que nous. Sachez que l'avancée technologique, ce progrès duquel se vantent les koufars, sachez qu'ils l'ont bâti sur du mal, de l'injustice. Souvent, on est impressionné par les choses qu'ils ont construites, qu'ils ont fabriquées. C'est utile, des médicaments qu'ils ont faits, des choses, des nouvelles découvertes chirurgicales ou quoi. Mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Vous croyez qu'ils ont fait comment? Ils ont dû faire des mal à des animaux, utiliser des choses interdites, faire peut-être même faire des sacrifices humains, on ne le sait même pas. On n'a pas envié. Ils ont connu des choses, mais pour connaître ces choses-là, ils ont dû faire une injustice incroyable. Donc en réalité, nous, on remercie Allah que le résultat nous serve, mais leur savoir, comment l'obtenir, on ne le veut pas. On ne le veut pas. Et regardez les gens qui sont soi-disant les plus intelligents chez eux. Vous voyez tous ces gens-là qu'on vous met en avant, là, les grands milliardaires, les grands millionnaires, ces gens-là ne sont pas arrivés à cet empire financier sans avoir fait du mal. Sachez-le. Ce sont des gens, ils sont mauvais. N'enviez pas leur richesse, car cette richesse, ils l'ont eu avec une, bien sûr, sûrement une part de travail, on n'en doute pas, mais beaucoup de méchanceté et aucun scrupule. Sachez-le. Ce n'est pas une réussite, c'est une défaite. Allez, on va se contenter de cela ce soir. Biznila Ta'ala, c'était une Muqaddima, comme un peu une femme de Muhadara. C'était pas prévu, je comptais prendre deux hadiths. Mais ce sujet-là me tient tellement à cœur de Tashabbuh al-Kuffar, car je vois que c'est vraiment un poison dans la Ummah, qu'on ne peut s'empêcher de souvent de s'attarder sur ce sujet-là. En espérant que cela soit compris. C'est une nasiha, pour moi comme pour vous. Ce n'est pas un jugement sur vous, ou c'est une nasiha. Qu'on se veut pour nous-mêmes, qu'on a peur pour nous-mêmes, et qu'on veut pour nos frères et pour nos sœurs. Qu'on veut pour nos frères, nos sœurs, et nos enfants, et toute la Ummah dans son ensemble. Mais bien sûr, on sait que très peu accepteront la vérité. Malheureusement. Taïb, naktafi biyad al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik, la ilan tastafluka wa tubulik, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.